cherche en vain des juges et je ne vois que des accusateurs. Et cependant, pour aucun d'entre vous, il n'y a d'amertume dans mon cœur. Je n'ai pas fait cette ignominie. Je n'ai jamais trahi mon pays. Mon seul crime a été de l'aimer. La vie m'a réservé bien des infortunes et la mort ne me fait pas peur. Forme des vœux pour que vous conduisiez la France hors des voies du malheur. Gardez-la mieux que je l'ai gardée, à l'abri de ses propres excès. S'il se peut, aimez-la mieux que moi. Qu'on prenne soin de ma famille, qu'on prenne soin de mes enfants, sont les seules faveurs que j'attends de votre bonté. Maintenant, au nom de la France, jugez en votre âme et conscience. Faites selon votre bon plaisir. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. Citoyens, colons d'Herbois, citoyen Saint-Just, mort. Citoyen Marat,